Bonjour, Allô, oui, bonjour. La rubrique d'Aimé Bonaparte, c'est ici? La chronique d'Aimé Bonaparte, non. Oh, excusez-moi, on m'avait mal indiqué. Bon, bah, merci quand même.